Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celluloid, le numéro 4. Alors on espère tous que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez bien profité de bien manger, de bien récupérer surtout, de regarder aussi pas mal de films d'animation comme on vous l'avait conseillé lors de l'émission hors série que nous avions diffusée dans le courant du mois de décembre. Donc voilà, on est reparti pour une nouvelle année 2014. Alors plein de choses en prévision, pas mal de choses à voir d'ailleurs. Donc ce Celluloid 4, on va s'intéresser, on va faire un bilan de l'année qui vient de se terminer en termes d'animation. Donc on va vous présenter ça tranquillement tout à l'heure, mais on va retrouver évidemment les rubriques habituelles, les news, le box-office, les critiques. On est paré pour la première émission de Celluloid. Alors, évidemment, je ne suis pas tout seul, je suis avec Chronos. Bonsoir, Chronos. Bonsoir. Alors, tu es prêt pour cette nouvelle année d'animation? Sans auspice. Bonsoir, Tuntun. Salut. Toujours paré pour le cinéma, voir de l'animation, j'espère. Plus que jamais, surtout que l'année s'annonce copieuse. Exactement, comme on le verra en fin d'émission d'ailleurs. Je pense qu'on peut partir, on est parti pour cette nouvelle émission, donc on va commencer par la partie des news. Les news, donc une actualité assez calme, on va dire, notamment au mois de décembre 2014, hein, ce qui est plutôt normal, on va dire, vu étant donné la période. Alors on a sélectionné quelques news qui parlent d'animation, notamment la première, c'est l'avant-première de Buddha 2, donc l'adaptation du manga de Osamu Tezuka qui aura lieu donc au musée du Louvre. Alors, pour tous ceux qui sont sur Paris le 27 janvier, il va falloir commencer à penser à verrouiller son agenda parce que c'est à partir de ce jour-ci que sera présenté en avant-première Buddha 2, Un voyage sans fin. Alors, plutôt qu'une simple salle de cinéma, ce n'est pas moins que le musée du Louvre qui accueillera l'adaptation du manga Tezuka. Alors, de plus, le programme s'annonce chargé puisque en préambule, du film, dès 19h, Mitsuru Oshima, que l'on connaît également comme étant la compositrice, entre autres, de la musique de la série Fullmetal Alchemist, dirigera un concert de musique du premier volet. Donc c'est plutôt sympathique au préambule du film. Et il faut savoir également qu'en parallèle, une exposition dédiée au travail de Tezuka se tiendra dès le lendemain, et cela jusqu'au 28 février au même endroit, ce qui est une bonne chose. Alors, je me posais la question justement de savoir si c'était la fameuse exposition qui était en... Ouais, qui était en Ulule. En Ulule, ouais. Et je me suis posé la même question, et je pense que c'est le cas. Je pense que c'est cette exposition-là. J'ai pas trouvé des informations, les seules informations que j'ai trouvées, c'est que c'était les Japonais qui s'occupaient directement de l'exposition, alors que je sais que le Ulule est fait uniquement par les Français, donc je suis à creuser, quoi, à voir dès que l'on aura plus d'informations. Ulule, c'était une asso qui s'occupait de... qui s'occupait de l'expo, je sais plus le nom. Et en fait, ils étaient en contact direct avec les Japonais pour récupérer. Et c'était pour ça d'ailleurs qu'ils faisaient un Ulule. C'était pour pouvoir financer la location de tout le matériel en fait directement aux Japonais. Oui. Donc après, je sais pas du coup comment cette expo est faite. Exactement, profitez-en quand même pour aller voir le film. Alors évidemment, c'est le deuxième film. Je sais que le premier film a été édité chez Kazé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. C'était le mois de décembre de mémoire. Donc une bonne chose à faire sur cette fin de mois de janvier, pour y arriver. Donc voilà, des choses à ajouter, Chronos peut-être. C'est l'occasion de travaille des mangas justement au musée du Louvre en plus, donc c'est quand même assez prestigieux. Oui, tout à fait. Pour rendre compte que la BD c'est pas non plus qu'un manga pour amuser les gamins, quoi. Ça a quand même son importance, et c'est bien que le musée du Louvre permette de faire ça, de proposer ce type de programme. Ouais, Exactement. surtout là, enfin, Bouddha en plus c'est peu connu chez nous, son sa vie, etc. Et en plus adapté de l'œuvre de Tezuka. C'est un sacré morceau parce que c'est une œuvre qui est prévue en trois films. Oui. Une adaptation en trois films, donc c'est quand même assez copieux et assez ambitieux comme projet. Voilà. Alors on va passer, hop là, on va passer cette fois la diffusion de simulcast et pas n'importe laquelle puisque ce sont Kill la Kill et Space Dandy qui sont prévus et qui ont déjà commencé à être diffusés d'ailleurs sur manga, la chaîne manga. Puisqu'en effet, le C'est plus simulcast, vraiment du simulcast. oui, bah c'est comment dire, en tout cas c'est une récupération très rapide des fichiers quand même des dessins animés, des séries, des épisodes. C'est comme c'est comment déjà ADN, c'est du J plus 14. Oui, voilà. Ouais. Bah, c'est pas, voilà, c'est pas forcément. À chacun, on va dire, à chacun son modèle économique bien à lui. Que ce soit Wakanim avec le fait de réserver pendant 30 jours gratuitement les épisodes pardon, de certaines séries. Ou alors, comme tu parlais du J plus 14 d'ADN. Et du coup, donc pour revenir à la news, donc c'est la chaîne manga qui a annoncé qu'ils vont diffuser donc Kill la Kill et Space Dandy, de grosses licences, de grosses séries en tout cas, que l'on a eu l'occasion de voir sur Wakanim. Et donc qui vont être diffusées. Alors pour la première, donc pour Kill la Kill, c'est depuis le 10 janvier, donc c'est depuis vendredi dernier. La série sera diffusée tous les vendredis à partir de 23h20. Donc à raison d'un épisode, par soir, par vendredi soir, et donc tous les épisodes de la première saison seront diffusés de cette façon. Même chose concernant Space Dandy, puisque la nouvelle série de Shinichiro Watanabe a commencé déjà à être diffusée depuis le 6 janvier dernier, et se voit diffusée sur manga tous les lundis soirs à 23h20. Alors, on est quand même sur une cible adulte de toute façon, parce qu'on a un horaire qui est tardif. Mais bon, c'est une bonne occasion, si vous avez l'occasion de voir la chaîne manga qui porte très mal son nom, de profiter de. Non, mais justement, c'est une bonne acquisition pour la chaîne, parce Ouais. que c'est vrai qu'il tournait un peu en boucle avec des rediffs, de rediffs, de rediffs, et puis plus vraiment de contenu, enfin plus assez de contenu se rapportant à son nom. Et du coup, là, récupérer ces deux grosses licences qui sont clairement les deux Kill la Kill, la grosse licence de la rentrée d'automne. Et Space Dandy, celle de ce début d'année, donc c'est vraiment une grosse et belle acquisition pour manga. Surtout, notamment Space Dandy qui a commencé début janvier, donc c'est très très proche au niveau de la diffusion à la télé. On se rapproche quand même d'un modèle qui peut être vraiment très très intéressant pour les chaînes de télévision. Alors là, on parle de l'animation sur une chaîne du câble du satellite, mais dans l'absolu, à plus long terme, sur les chaînes de la TNT, voire les chaînes, on va dire, historiques de la télévision française. Ça peut être une Il y belle a encore chose. du chemin, mais oui, Après, pourquoi pas? je vois pas trop quelle chaîne pourrait diffuser du. Bah, c'est compliqué. Pendant un moment, il y a eu. Enfin, sur la TNT, il y a eu D17 qui a diffusé du One Piece à foison. Game One peut-être, mais c'est pas MCN vraiment leur également. genre. MCN Ouais. qui diffuse. Alors, ta Game One, c'était du Naruto, du Bleach. Ouais, mais ça reste des animés Très populaire. très populaire et très spécifique. D'ailleurs, il y a eu du Naruto, je crois, sur France 3. Ah oui. Ah Après, il y a du oui, c'est Naruto, il y vrai. a du Détective Conan, mais moi, quand je parlais de ça, c'était plus au niveau, pas forcément des séries japonaises, on va dire au niveau des séries en général. Ouais, mais ça reste trop spécifique pour pouvoir les voir sur des chaînes, des grandes chaînes, quoi. Oui, c'est sûr, oui. Voir un Kill la Kill sur France 2 à 23, même à 22h20, ce serait Déjà, ça serait sur France 4, je pense, Oui, déjà, ouais. si c'était sur France Télé, et puis jamais ils achèteront un truc comme ça, Bah, et jamais ça ferait de l'audience de toute tu façon. sais que France Télé a diffusé les deux premiers épisodes de Lovina, hein, donc. Ouais, mais déjà, Lovina, c'est autre chose. Là, Oui, Kill la Kill, ça représente rien. Si ça marche, si, enfin, si ça marche bien pour manga, enfin, les audiences que manga ferait et pour lesquelles ça marcherait bien chez eux, ça serait un bide sur des chaînes TNT Ah, ou forcément, bien sûr. voilà. Donc, Kill la Kill ou Space Dandy, jamais ça, enfin, ça serait surréaliste de voir ça Oui, sur une grande chaîne, quoi. là encore, je dis, moi, je parlais plutôt après du traitement en général des séries, que le fait de pouvoir les avoir très très rapidement après leur lancement aux États-Unis ou dans le pays dans lequel ils sont diffusés. Après, pour l'animation, on est quand même, de toute façon, l'animation en elle-même, les séries d'animation, c'est un marché de niche qui Oui, sort. c'est pas intéressant pour. Voilà. À part quelques trucs, les trucs vraiment enfantins qui passent sur Ludo, sur France 3 ou des trucs comme ça. Oui, ou même bah, t'avais Blue Exorcist, je crois, sur France O, de Ouais, mémoire, peut-être bien, ouais. puisqui a Et été France Ro, diffusé. c'est un peu à labo. Oui, voilà. Ils testent des trucs, mais ouais. C'est une chaîne, je suis sûr que beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils l'ont encore. C'est clair. Il y a très bon programme hein, sur France O pourtant, mais. Ah non, Ouais, ouais, Ah si, si. ouais. Ce message est plein d'ironie, je crois. Ah non, carrément pas. C'est vrai? Il y a du Tamé qui passe sur France O par exemple, et c'est une Ah très très d'accord, bonne oui. série. Ouais. Non, parce que je tombe toujours moi, Ah ouais, ah ouais, après il y a les horaires, mais. sur les séries avec les. Alors, on parle de doublage, petit aparté, on parle de doublage pourri en Les animation. telenovelas. Les télé-novelas avec les Les doublages français. bah, il faut pour tout telenovelas, le monde, c'est génial. effectivement. Mais c'est pas tout le temps le cas, quoi. Je Voilà. rêve de doublage de telenovelas sur des animés. Ça serait magnifique. Mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur. Avec les Bon. mêmes bruitages et tout. Enfin bref, voilà pour le programme de manga, pour deux animés qui sont quand même de qualité. Et Space Dandy, on sait pas trop encore. oui, c'est vrai, Ah, mais c'est pour pas le mal. coup. Ah, J'ai un tu peu l'as vu? tes. J'ai vu les deux premiers passer. Bon, après le deuxième, je pense que je préfère le deuxième parce que c'est un peu mieux écrit, c'est plus chouette et. Moi j'ai vu que le premier et le rythme du premier est très très bizarre. Ouais, il est très bizarre parce que tu sens que c'est vraiment séparé en deux, quoi. Ouais. Vraiment, la première moitié où c'est boobies, C'est boobies. Et la clair. deuxième moitié où c'est de l'action, n'importe quoi, qui est super bien animé, hein, par contre. Ah Mais bah, le deuxième. enfin, ouais, il y a des passages super bien animés, puis il y a des passages, j'ai trouvé ça techniquement à la ramasse Ah, complet. il y a quelques trucs, ouais, parce qu'il y a un côté vachement vintage. C'est assez bizarre comme style. Ouais, il y a des, enfin, notamment le design de Space Dandy qui est assez génial et certains vaisseaux aussi, bah le vaisseau du héros et le vaisseau de, je ne sais plus son nom, qui a la tête de la Statue de la Liberté, qui est assez ouf aussi. Et puis il y a des designs Les à chats côté, dans la genre bouche, c'est ça? celui du, ouais. Le design du robot aspirateur là que je trouve absolument affreux. Moi Et j'adore le chat là, le. Je sais plus comment. le chat, ouais, il est génial. Il est génial, mais le robot à côté, t'as l'impression c'est un dessin fait sous paint à l'arrache. Et ça, enfin, ça jure avec le reste. Et il y a quelques éléments comme ça dedans, je trouve ça tue un peu le truc, quoi. Ah oui, Mais bon. dans le deuxième, je vous laisserai voir, il y a un moment quand même qui est super drôle, Ouais, non, mais où bah il essaye le. d'allumer une clope, je vous laisserai découvrir ce que c'est. Mais Faudra découvrir. après, voilà, c'était un épisode d'introduction, Oui, voilà, ouais. c'est jamais forcément les plus réussis. Et du coup, voilà, faut vraiment lui laisser sa chance. Et même si j'ai été un poil déçu, j'en attendais beaucoup aussi. Bah, moi, je Même sais que si. ce sera pas comme Bebop, ça c'est sûr. Ce sera pas Oui, aussi oui, culte. oui. Même si on sent clairement qu'il va. Enfin, il y a du Bebop, il y a du Champlou dedans à mort. En fait, Bebop Mais. c'était vachement américain et Space Dandy c'était beaucoup plus japonais dans le style. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que justement, il y avait un très bon dossier dans le Coyote, dans le dernier Coyote, où ils expliquaient justement que à la limite, ils ont plus pensé Space Dandy pour, ils ont pas forcément pensé pour le Japon, mais plus pour le marché extérieur. Hein. Ils se sont dit que ça n'allait pas forcément marcher autant qu'ils peuvent l'espérer. Ah ouais? Mais ils se disent Ouais. qu'ils attendent peut-être un peu plus des pays bah, comme la France, comme les États-Unis, qui peuvent être plus à même de l'apprécier à sa juste valeur. Là, je trouve ça étonnant parce que justement, comme tu le dis, Chronos, c'est très très japonais, Même le beaucoup deuxième, plus que ce qu'il a fait avant, quoi. le deuxième épisode, ouais, c'est centré sur les ramen, sur le fabuleux goût des ramen. C'est Oui, vraiment japonais, quoi. Enfin. ouais. Oui, forcément, ouais. C'est sûr. Alors, on va passer à la dernière news qui a été annoncée au courant du mois de décembre. Donc, c'est le prochain Ghibli qui est prévu donc pour l'été 2014 au Japon. Donc, qui a été dévoilé. Il va s'appeler donc Omoide no Marnie, Souvenir de Marnie en français. Alors, il s'agit de l'adaptation du livre de Joan Robinson, When Marnie Was There, écrit en 1967. Alors, s'il n'a pas connu de traduction en français, il faut savoir qu'il fait partie des 50 livres qu'il faut avoir lus, selon une liste établie par Hayao Miyazaki lui-même. Donc, voilà, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que même s'il est à la retraite, en tout cas, même s'il ne travaille plus en tant que réalisateur, il a quand même une influence et un impact toujours aussi important sur les choix des livres adaptés ou le choix des prochains films du studio Ghibli. Alors du coup, la réalisation, on retrouvera Hiromasa Yonebayashi, pardon, pour qui ce sera le deuxième film sur lequel il va travailler en tant que réalisateur au sein du studio Ghibli, puisqu'il s'était également occupé auparavant d'Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Dans lequel L'histoire... Miyazaki était très impliqué. Voilà. Donc là, il va être un peu plus libre. Logiquement, il devrait être plus libre pour celui-là. Il aura déjà accumulé l'expérience du premier, quoi. Oui. Ce Oui, sera pas... et puis le chef sera à la retraite. Enfin, il est à la retraite, donc Oui. logiquement, il devrait être moins présent. Oui, enfin, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas non plus... quand on connaît, quand on lit les interviews qu'on a pu lire dernièrement de lui, quoi. Juste un petit mot vite fait sur l'histoire. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'Anna, une jeune fille qui est adoptée. L'adolescente vit renfermée sur elle-même et n'a pas d'amis. Un jour, en se promenant dans les dunes, elle fait la connaissance de Mardi, qui donne son nom au film. Une étrange fille qui lui parle de façon directe sur l'amitié, la famille, la solitude. Et Anna découvre que Mardi n'est pas vivante et cherche alors à en savoir un peu plus sur elle. Un petit côté fantastique à voir après comment cela sera traité par le réalisateur, par le studio. Chose qu'on peut voir, c'est que si on suit le calendrier habituel des sorties des films du studio Ghibli chez nous en France, il devrait arriver dans l'Hexagone en janvier 2015. Donc dans un an, tout pile. Ben voilà, vous en avez peut-être peut-être un peu plus d'infos par rapport à ça, ou même par rapport à l'annonce en général. Bah non. Tu l'attends, ça te parle, ou Pas plus c'est... d'infos. Le bouquin, je le connais pas du tout. Oui, il n'a pas été édité en français, donc Voilà, c'est et normal. on connaît juste à peu près à quoi va ressembler le personnage parce qu'il apparaît dans une frise chez Ghibli. Donc ça sera un petit personnage, une jeune fille blonde avec une robe blanche. Voilà, et c'est à peu près tout ce qu'on sait. Bah moi forcément, enfin j'attends comme tout le monde maintenant. Surtout qu'on devrait avoir des images relativement rapidement parce que il est prévu pour cet été. Donc voilà, et puis voir ce que va donner Yonebashi en solo et voir le premier film post Miyazaki. Donc, ouais, forcément, je l'attends. Plein d'interrogations et plein d'espoir pour la suite. Exactement. Et voilà. Toi, ça te parle, Chronos? Tu l'attends aussi un peu comme un Ghibli J'attends de voir les images. J'ai pas vu Arrietty, je sais pas s'il était bien comme film. Il a été assez critiqué Ouais. parce que assez pastiche en fait de ce que faisait Miyazaki sans l'être vraiment. Et avec quelques défauts techniques, alors un visuel très très riche, mais quelques défauts techniques Peut-être une histoire aussi qui peut-être manquait un peu et d'envergure un peu de rythme et un peu d'envergure, ouais. par rapport aux précédentes productions du studio. Après, ça reste un très très bon divertissement, hein. C'est juste, voilà, on attend tellement, c'est comme à chaque fois, on attend tellement de choses voilà, on est toujours, on peut peut-être être un peu plus critique avec un film du studio Ghibli qu'avec un autre film, alors que ça reste de très très haut niveau de toute façon. Et voilà, je pense qu'on a, bah, on a terminé avec les news. Tungu, alors tu vas nous présenter le box-office. Donc le box-office, pardon, voilà. Dont les chiffres ont été arrêtés au 1er janvier 2014. Alors on va commencer avec le gros succès de cette fin d'année, c'est La Reine des Neiges. Exactement, La Reine des Neiges, qui est un énorme carton en cinquième semaine, donc comptabilisé à 4 413 765 entrées. C'est précis, hein. Et ouais. Et avec 903 copies encore en cours, c'est énorme. C'est le septième plus gros succès box-office français de 2013. Et sachant que depuis, bah, il est encore en diffusion, il a déjà rattrapé, il est sur le point de rattraper Moi, Moche et Méchant 2, qui est la plus grosse, le Première plus place au grand, box-office des le films plus, sortis en voilà, le France. plus grand nombre d'entrées en France. Sur l'année 2013. Ce qui n'est pas énorme hein, dans l'absolu. Bah c'est oui, c'est une année Pour un film d'animation, c'est très très bien. pour Après. voilà, pour un film d'animation, donc Moi Moche et Méchant fait 4 640 852 entrées. Ce qui est vraiment beaucoup. Et par contre, le fait que Iron Man 3 Gravity, dont on a énormément parlé, bah, le Hobbit est plus récent, donc c'est un peu normal, mais certains gros films attendus, en tout cas, n'aient pas fait plus que ça, c'est un peu léger. Je pense à Iron Man 3 en particulier. Mais bon, il est pas top non plus, Iron Man 3. Ouais, mais bon, comment dire, les films Marvel ces derniers temps sont quand même, enfin, les films de super-héros font des grosses entrées à Des chaque bons fois, scores. et Iron Man 3 est certainement, je pense, le plus faible score des trois, il me semble. Je crois que c'est pas le meilleur, non? Ah bah, je dis peut-être une bêtise, alors je Ah, je confonds sais plus. peut-être avec un autre, mais C'est possible, hein. ouais. C'est En tout cas, possible, celui-là. ça me paraît relativement faible. Ouais. Comparé à tout le battage médiatique qu'on a eu autour de ça. En tout cas, La Reine des Neiges fait un très très gros score, que ce Ouais. soit ici ou aux États-Unis ou même dans le monde. Bon, on reviendra après pour les chiffres mondiaux quand on va faire un peu la critique du film. Ça peut être intéressant D'accord. de faire la comparaison parce qu'il a quand même un impact très très très très fort, en tout cas chez Disney. Et je pense que du coup Disney va continuer à faire des films avec des chansons de bruit, ça me plaît pas. Mais de toute façon, c'est ça qui marche. Ah, c'est le recette Disney quoi. Bah ouais, c'est la marque, quoi. Ah oui, enfin C'est la bref, on en marque de parlera tout à l'heure, fabrique. on va pas être d'accord. Le manoir magique. Le manoir magique, exactement. Donc, ce film, cette affiche avec le chat, un chat roux en gros plan, que vous avez vu partout, sur tous les arrêts de bus. Donc, le manoir magique, 676 000 entrées en deuxième semaine, avec 413 copies. Ce qui est plutôt un joli score. Il faut dire qu'il y a eu énormément de pubs. Et voilà, donc plutôt un bon démarrage. Sachant qu'il est sorti quand même assez tard, puisqu'il est sorti bah, le 24 décembre. Du coup, il a moins profité des vacances. Des Oui. vacances que La Reine des Neiges, par La vie exemple. Ensuite, Albator, qui est pareil, il est sorti le 24, donc 546 000 entrées en deuxième semaine, avec 251 copies. Ce qui est plutôt un joli score aussi, étant donné que. en plus, ça fait je dis bêtises, mais ça, je dis peut-être des bêtises, pardon, mais 546 000 entrées, c'est sur une semaine, puisque si les chiffres sont arrêtés le 1er janvier, le film est sorti le 25. Donc je pense qu'il peut. Oui, peut-être. Donc c'est quand même 546 000 entrées, c'est un très C'est très gros c'est un beau score. score. Surtout qu'il y a, enfin, il y a pas énormément de salles. Enfin, il n'y a pas énormément de salles. Il y a quand même pas mal de salles, mais c'est pas, ouais, 251 copies, c'est pas non plus énorme. Énorme. Ouais, quand Et tu du compares, coup. on parle du manoir magique où il y Ouais, ou a... même la Reine des Neiges qui est encore à Oui. 903 copies en cinquième semaine. Mais sinon, voilà, l'apprenti Père Noël et le flocon magique dont on avait un petit peu parlé. Le flop magique. Ouais, bah ouais, quatrième semaine, 545 000 copies, entrées, avec 410 copies. Un petit flop quand même, il... Voilà. Bah c'est. Il y a pire hein, quand Au même. final, il s'en sort pas mal, Je mais. pense que c'est voilà, c'est atténué par le fait que ça sortait à Noël et Et voilà. Y avait ça, et puis il profitait quand même de pas mal de salles, le diffusant. Donc après, 545 000 entrées en 4 semaines, sachant que c'est des chiffres arrêtés au 18 décembre pour l'apprenti Père Noël. Donc depuis, il a, je pense, fait un petit peu plus, mais si on n'a pas de chiffres depuis, c'est que ça doit pas être énorme. Voilà, en tout cas, pour... Oui. On peut peut-être parler aussi très rapidement du bilan, enfin de la place des films d'animation sortis en 2013 dans le box-office français. Tout à fait. Donc forcément, Moi Moche et Méchant 2, premier du top, avec 4 640 852 entrées, donc, ce qui est vraiment très conséquent. Ensuite, on a donc La Reine des Neiges, qui est 7e, avec 3 532 986 entrées. Sauf que ça, c'est ouais, les chiffres. Donc ça, c'est les chiffres arrêtés à la fin de l'année 2013. Voilà, c'est ça. On a Turbo, qui fait un joli 2 441 519 entrées. Ce qui est plutôt pas mal pour comment dire, un film. Bah c'est le deuxième DreamWorks de l'année, et c'est peut-être pas celui qu'on attendait le plus. Par rapport à The Croods, même techniquement, ça c'est un Ouais, peu ouais, triste quoi. ouais. Ça fait un peu de seconde zone, quoi. Ouais, ça reste sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé la scène d'introduction avec l'escargot qui fait la course sur l'écran avec les voitures pour lesquelles il se sert bien d'effet de perspective pour faire un wedge plus que les autres. Après, oui, c'est sûr que c'est pas ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Ça fait mieux que des Croods quand même, hein. Et les Croods qui est juste derrière, qui est 13e avec 2 350 349 entrées. Qui a, à mon avis, Bah, c'est aussi par rapport à la date de sortie qui est pas la même. Parce il y a. que... Bah oui, parce qu'il y a. Turbo, c'était pendant les vacances de la Toussaint. Il s'est retrouvé en face de Planes, mais Planes, bah, qui a pas fait un gros score vu qu'il est même pas dans le top 20. Et Turbo était peut-être un peu plus. Un petit peu plus porté au niveau marketing. Et les Croods, justement, il a pas bénéficié d'un bon marketing, puisque on s'en souvient, et ça, enfin, la chanson dédiée était assez nulle. Et le marketing mettait pas vraiment en valeur le film, en fait. Qui méritait beaucoup plus que ça. Ouais, Et clairement. Monstre et Compagnie, tu es allé chez vous ou pas pour Monstre Monstre et Academy, pardon. Compagnie, Monstre Academy 17e avec 2 130 894 entrées. C'est faible. Ouais, c'est faible, ça. C'est faible, alors je sais plus les. Il me semble avoir lu que c'était plutôt un Bon bon score. résultat pour un Pixar en France. Ouais. Je pense qu'il y a des Pixar qui ont fait quand même des plus beaux scores que ça, que ce soit là-haut, que ce soit Wall-E. Ben, je suis pas sûr. Ah ouais? Je sais plus, mais il me semble avoir lu que c'était plutôt dans le Dans la fourchette haute. bons en France, hein. Ouais, oui. Dans le monde moins, beaucoup moins. Sinon, il y a les Schtroumpfs 2 qui sont 16e avec 2 263 030 entrées. Et ça fait déjà une petite brochette de films d'animation dans le top 20. Oui, tout à fait, c'est Comment? pas mal. Moi, je disais tout à fait, c'est pas mal comme ça montre quand même que l'animation reste un des, on dirait, un des axes forts au cinéma en 2013. Ouais, ça en fait 6 en tout dans le top 20. Ça fait C'est plutôt pas mal. un tiers, quoi, à peu près. Ouais. Environ. C'est une bonne chose, en tout cas. On espère, en tout cas, que pour 2014, ça, on restera sur les mêmes références. au niveau des entrées, au niveau des entrées et du succès des films d'animation au cinéma en France. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour au niveau du box-office, messieurs. On va juste parler des deux films qui vont arriver en janvier. On va parler très rapidement du premier parce que je pense qu'on y reviendra plus en longueur La prochaine sur la émission. prochaine émission. Alors c'est bien évidemment Le vent se lève, donc le dernier film d'Hayao Miyazaki, qui a déjà pas mal de succès, je pense, critique, et le fait d'avoir été montré plusieurs fois en avant-première aide aussi le film. De toute façon, c'est un Miyazaki, donc de toute façon, ça devrait bien fonctionner même en début d'année comme ça. Le deuxième film, donc c'est Minuscule, la vallée des fourmis perdues. Alors, il n'est pas encore très très mis en avant, mais franchement, je pense que ça peut être une des bonnes surprises pour le début d'année 2014. On retrouve à la réalisation donc Thomas Dabo et Hélène Giraud. Alors, il faut savoir que Minuscule à l'origine, c'est une série télé de 151 épisodes, donc d'une durée variable, parce que la durée varie entre 5 et 26 minutes. Et donc, ce sont les mêmes personnes qui étaient à la réalisation de la série qui se retrouvent à la réalisation du film. Et le rendu du film, le rendu graphique est assez sympa, puisque on est sur sur des décors réels et sur lesquels on retrouve des personnages en image de synthèse, donc les personnages qui sont des insectes, des coccinelles, des fourmis. Et donc voilà, donc on attend d'en voir un peu plus, de voir le film qui sortira donc le 29 janvier prochain au cinéma. Des choses à rajouter, messieurs? Non, je suis curieux de le voir. Ça fait un peu penser dans l'idée à Microcosmos en scénarisé en fait. Enfin avec Voilà. une aventure, mais j'aime bien l'idée. Et là, je vous conseille d'ailleurs la bande-annonce, qui est vraiment très drôle. Bah, très drôle, non. Il y a des passages qui sont assez drôles, qui donnent vraiment envie de voir le film. Et puis le rendu est vraiment très sympa. Oui, exactement. C'est assez simple, mais franchement, ça passe vraiment très bien. Marche bien, ouais. Alors, du coup, là, on va passer aux critiques. Critiques des films qu'on a pu voir sur la. Que l'on a vu, d'ailleurs. Que l'on a vu donc au mois de décembre 2013. Alors on va le voir, il y a un peu de tout. Il y a du récent, il y a de l'ancien, il y a du retour de la nostalgie, etc. On est quand même en mois de décembre très très très très Chargé. très très chargé, merci. Et donc on va commencer avec La Reine des Neiges. Voici la reine Elsa d'Arendelle. Laissez-moi, n'approchez pas! La reine a jeté un mauvais sort sur nos terres! Je dois la retrouver. Votre magie est pleine de beauté, mais vous devez apprendre à la contrôler. Il faut tenter de survivre à ce blizzard! Ce n'est pas le blizzard, c'est ma sœur! Et donc La Reine des Neiges qui est réalisée alors par Chris Buck et Jennifer Lee, qui sont pas les derniers patrons de l'année, hein, puisque Chris Buck il a été réalisateur sur Tarzan, il a été réalisateur également sur Les Rois de la Glisse. Et Jennifer Lee, alors pour elle c'est la première expérience en tant que réalisatrice sur La Reine des Neiges, mais sur lequel elle est également créditée en tant que scénariste. Mais elle tenait déjà ce rôle sur la main de Ralph. Donc elle a quand même l'expérience de film d'animation, même si ce n'est pas la réalisation. L'histoire, c'est Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu'optimiste, qui se lance dans un incroyable voyage en compagnie de Kristoff, un boutonnière expérimenté, et son fidèle reine Sven, à la recherche de sa sœur Elsa, qui est la reine des neiges et qui a plongé le royaume d'Arendelle dans un hiver éternel. Alors messieurs, je vais vous laisser la parole. Qu'est-ce que vous en avez pensé du film? Ben, Chronos pour commencer. C'est un très très bon cru Disney. même préféré celui-là à la réponse, c'est pour dire que j'ai vraiment retrouvé au niveau du rythme, il y a vraiment ce côté chanson, aventure, Olaf qui est vraiment là pour l'humour en fait. Au final, il apporte pas grand chose de plus, mais c'est comme pas mal de personnages Disney comme Caméléon dans Réponse par exemple. Non, il est vraiment, vraiment chouette, c'est très beau techniquement, à part quelques petits détails qui m'ont un peu interpellé. Et l'animation est top, je me suis bien marré, c'est vraiment rafraîchissant. C'est une excellente surprise, et c'est le meilleur Disney que j'ai vu depuis très longtemps. Je l'ai trouvé, enfin j'ai retrouvé ce que j'avais aimé dans les grands succès Disney des années 90. Et ouais, j'ai vraiment retrouvé cette patte Disney qu'on avait un peu perdue ces dernières années, qu'on avait commencé à retrouver avec Réponse, mais là, La Reine des Neiges est tellement au-dessus. Alors, contrairement à Chronos, moi j'ai un petit bémol sur Olaf que je trouve assez inutile en fait. On avait parlé, mais ouais, comme je te disais, il y a plein de personnages Disney qui sont un peu pareils. Je suis assez d'accord. Voilà, c'est. Ça m'a bien fait marrer dans ces dialogues. Je trouve que c'est bien écrit au niveau. Ouais, c'est surtout du comique de situation qui était plutôt sympa, ouais. Côté un petit peu niais qui marche bien, enfin. Ouais. Ouais, le coup du personnage qu'ils font, etc. Voilà, ouais. C'est vrai que ça marche plutôt bien. Après, moi, c'est le. En fait, ce qui m'a surtout énervé, c'est sa chanson. Ah. Que j'ai pas vraiment aimé. Mais sinon, voilà, c'est un personnage. Quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, bah ouais, je sais pas. Enfin, voilà, ouais, il m'a pas plus emballé que ça. Mais c'est vraiment anecdotique comparé à tout le reste qui est, je trouve la direction artistique, pardon, vraiment fabuleuse. Il y a des scènes qui sont superbes. Le rythme, le film est super bien rythmé avec ce début, cette introduction assez longue mais qui nous apprend plein de choses, mais ça se fait très rapidement. Enfin, ça se fait très rapidement. Ça a un super rythme. La disparition des parents se fait très rapidement en tout cas. Ouais, mais justement, je trouve ça plutôt bien en fait. C'est juste ce qu'il faut en fait. C'est rythmé, oui, c'est ça s'attarde pas. C'est pas du, on fait pas un truc mi. Je rigole parce que c'est quand même extrêmement caricatural. Oui, ça pose bien les bases en fait, voilà. et on rentre après dans le vif du sujet et je trouve que c'est super bien rythmé, il y a peu de temps mort. Le côté conte aussi qui marche vraiment. Ouais, bah justement ce côté Disney en fait. Avec un petit peu de risque quand même au niveau de l'histoire, avec les personnages, les relations, même si à la fin ça retombe vraiment dans le... Oui, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un petit twist, notamment. Le fait déjà d'avoir deux. Tu ne vas pas me dire. Spike. D'avoir deux princesses. Non, mais deux princesses, je parle. Ah non, mais oui, bah oui, ouais. Non, mais il n'y a qu'une princesse. Mais, oui, il y a une princesse et une reine, mais tu vois, le fait d'avoir deux personnages principaux forts. Oui. Féminins, pardon. Deux personnages féminins principaux. Et assez éloignés l'un de l'autre, avec deux caractères très différents. Et oui, c'est vrai que là-dessus c'est aussi bien, et du coup ça met un peu de côté. Il y a une légère prise, enfin il y a, c'est un petit peu différent au niveau du prince charmant, etc., comme on a l'habitude de le voir, et en même temps c'est un petit peu mis en retrait par rapport à la relation entre les deux sœurs. Et même la Reine des Neiges aurait mérité, bon ça c'est du Disney donc ils n'arriveront jamais à avoir un truc comme ça, mais d'accentuer ce côté où elle est en colère contre ceux qui ouais ou des trucs comme ça, ça reste encore un peu gentillé, mais en même temps c'est pas trop leur en vouloir. Elle est pas méchante, elle est plus apeurée ou quoi, et le seul truc, le seul moment où on ressent pas de la colère mais l'envie d'être loin de tout ça, C'est justement dans cette magnifique chanson. Ah non. Libéré, délivré. Ah non. Il se transforme en biatch à la fin ouais, de la chanson. Ouais. Ouais, ouais, et où elle s'émancipe vraiment et tout, et donc ouais, il y a c'est vrai que ça manque un poil de d'énervement. Alors, peut-être que son énervement est transposé aussi sur le géant de glace, hein, parce qu'il n'est pas forcément très très gentil, que ce soit avec les. Oui. Qui que ce soit d'ailleurs. Même si il fait un peu. Des fois, il fait un peu nounours. Et il est gentil quand même le géant. Oui, surtout quand on voit la scène post-générique. Que je n'ai pas vu, hélas. Donc, que... vous l'avez pas vu tous les deux. Ça ne me dit rien en fait. J'ai peut-être vu, mais je m'en souviens pas. Je vais pas le dire, mais c'est avec le géant. D'accord. Et là, tout est dit. Non, on a... Et justement, oui, la chanson. Non, non, non. Si, Libéré, délivré, c'est quand même la meilleure chanson de l'année. Et Zouk c'est... Machine, quoi. Hit Dance, je sais pas quoi. Non, mais vraiment. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé avec Romain, et je suis plutôt d'accord avec toi. Les autres chansons sont vraiment pas terribles, et elles sont condensées dans la première partie, en fait. Ah, c'est ça, ouais. Et un quart d'heure, ça fait, on enchaîne chanson sur chanson. Et notamment des chansons, celle d'Olaf, qui est vraiment pas terrible, et puis il y en a une autre... En fait, tout est propice à une chanson, en fait. Hein. Oui. Bah, c'est ça le problème avec Disney, c'est que soit il y a des chansons qui font avancer l'histoire, et du coup c'est pas dérangeant, comme Mulan par exemple, où ils balancent toute la sauce dans la première partie, et qui sont bien aussi les chansons. Ensuite, la seconde partie, c'est vraiment que de l'action. Ou soit t'as des chansons, par contre, qui sont vraiment là pour chanter, comme celle d'Olaf, par exemple, c'est vrai qu'elle est un peu comme ça. Ça fait pas avancer l'histoire, alors du coup au niveau du rythme ça casse vraiment vraiment les choses quoi. Ouais, mais une qui fait bien avancer l'histoire et qui est reprise dans la deuxième partie du film, c'est celle justement où on voit toute la disparition des parents, les deux princesses qui grandissent, etc. Mais c'est celle-là, non? C'est pas celle-là de... Ah non, c'est de la première, excuse-moi, non, je confonds. Oui. Et celle-là, est, en fait, elle sert justement à faire avancer l'histoire. Et du coup, je trouve qu'elle passe plutôt bien. Ouais, parce qu'elle présente un peu les objets. Tu les vois grandir toutes les deux. Oui, oui, oui. Bah, ça fait partie de cette phase où on en apprend énormément sur l'histoire en peu de temps. En fait, on a une ellipse. Enfin, pas vraiment une ellipse parce qu'on voit l'évolution, mais le temps d'une chanson, bah, en fait, on a 10 ans qui se passent, quoi. Exactement. Et c'est vraiment une. Pour le coup, c'est plutôt bien rendu, quoi. Mm. Bah, c'est plutôt une bonne surprise, hein. C'est vrai que, comme on en parlait tout à l'heure, comme on l'évoquait déjà tout à l'heure, le fait que Disney arrive à aller sur des sentiers un peu plus, on dirait, originaux, par rapport à ce qu'on peut attendre d'un film avec des princesses et des reines et des princes, ce que tu veux. Voilà, c'est qu'il y a, on va dire, il y a plein de pistes au début, en tout cas plein de pistes vont nous être présentées et vont être dévoilées qu'au fur et à mesure. On n'est pas déjà sur une intrigue qui est claire comme de l'eau de roche, et là-dessus c'est plutôt bien trouvé, quoi. Et du coup, je pense que Jennifer Lee a apporté énormément au film, et je pense qu'elle va être amenée à prendre de l'importance dans la suite, en fait, de Disney. Parce que là, du coup, ils ont fait on peut déjà le dire, ils ont fait un très très beau score, un très très beau succès, puisque dans l'absolu, c'est le deuxième plus gros succès de l'histoire de Disney. En termes de résultats, ils ont fait 640 millions de dollars, donc ils arrivent juste derrière le Roi Lion, qui est arrivé à 987 millions de dollars. Ce qui est pas mal déjà pour un budget de 150 millions d'euros. Et en comparaison, c'est à peu près le score qu'avait fait Réponse, qui lui avait un budget quasiment deux fois plus important que celui de la Reine des Neiges. Donc c'était et la Reine des Neiges n'est pas encore en fin d'exploitation. Oui. Hein. Il lui reste un bon mois encore à faire. Alors je sais pas s'il compte également la sortie DVD Blu-ray. Je pense non. pas, mais non, c'est juste exploitation ciné. Juste exploitation ciné. Je pense qu'ils ont moyen de dépasser le Moi Moche et Méchant. Hein. Deuxième. Ah oui, ah oui. C'est plus très loin, il me semble. Et je pense qu'ils ont plus sur la route des 5 millions, 5 millions d'entrées, hein, du coup. Par rapport à, parce qu'ils sont 4-4, 4,4 millions, ils peuvent pousser, je pense, jusque 5 millions. Ce qui serait un bon résultat, en France pour un Disney. Exact. Ben voilà. En tout cas, ben, je pense qu'on peut dire que c'était une très bonne surprise. La Reine des Neiges nous a vraiment emballés sur ce qu'ils ont pu montrer. Alors, juste un petit mot quand même vite fait sur pareil, vous en avez déjà parlé, mais voilà, tout ce qui est parce qu'on a l'habitude dans les films en 3D, les films d'images de synthèse, d'avoir pour réflexe de regarder l'eau, voir si l'eau est bien faite, si c'est bien réaliste et tout. Mais du coup, ils ont réussi à faire des choses vraiment très jolies avec la glace Ouais, la et avec glace le et la neige, brouillard ouais. aussi à la fin, Oui. qui est super bien rendu quand ils sont sur le lac. Voilà, dans une des dernières scènes du film, qui est vraiment très très bien, très très bien fait. Et puis la neige aussi, il y a quand même tu La sens vraiment neige une est vraie techniquement consistance. incroyable. Après, au niveau de la technique, c'est toujours pareil avec Disney, c'était pareil sur Réponse. Ils ont tendance à vraiment privilégier, comme là, la neige ou la glace, vraiment être à fond dessus. Mais par contre, il y a des plans, enfin moi je me souviens au début, avant qu'il y ait le royaume gelé, il y a des plans qui sont vraiment très très très très limite, hein. Des Oui, châteaux dans certains décors lointains ou ouais. tu dis en termes de détails, en En termes de termes de détails, finition? en termes de rendu, je sais plus si je crois que j'avais récupéré une image fixe avec une vue du château où c'était vraiment Oui, très avec pauvre quoi. le vue du pont ou un Ouais, truc c'est comme ça, ça, ouais, vue ouais. du pont, ouais. C'est pas très très beau, et même il y a des passages où il y a des falaises où la texture est pas très fine quoi, et c'est un peu dommage. Sur Réponse, c'était pareil. Oui, celle où elle essaye d'escalader la falaise, tu m'avais dit. Et quand je vois Monstre Academy, où là c'est vraiment extraordinaire au niveau du rendu, quoi. Disney, ils sont encore un peu en dessous, ils sont pas tout le temps au top, quoi. Il y a la neige et tout, Ouais. ça j'ai rien à redire, mais l'animation, les personnages, ça c'est top, mais c'est vrai qu'il y a quelques passages où c'est un peu limite. Et on n'en a pas parlé aussi, mais la 3D stéréoscopique. Que je trouve vraiment bien intégré, notamment la scène de début où il découpe la glace, etc. Ah oui, exact. D'ailleurs, une chanson, C'est vrai. mais qui est la 3D stéréoscopique, je la trouve vraiment super bien intégrée. Elle est pas fatigante, elle est juste comme il faut, avec certaines scènes vraiment exploitées pour. Et le reste du temps suffisamment présente pour qu'on s'en rende compte, et suffisamment soft pour que ça fatigue pas les yeux, quoi. Donc J'avais même oublié que j'avais vu en 3D, bon, c'est pour dire à quel point c'était. À part effectivement comme tu dis, le moment où il casse la glace là. ouais. C'est vrai que ça m'a pas marqué plus que ça en fait. Je fais tellement plus gaffe maintenant. Bah C'était après, tellement c'est dans vrai le que film que t'as pas fait attention à ça. Ouais, c'est ça, ouais, on va dire ça comme ça. T'es entraîné par les chansons, Exactement. tu te sentais Non, libéré. la chanson d'Olaf est tellement extraordinaire. C'est pas pour te vexer, Antoine, mais je pense que tu es le seul Oui, ici présent à. mais tu vois, à chaque fois que je te balance un lien avec Libéré délivré, et ben tu l'as dans la tête pour la journée. C'est la pire chose, ouais, c'est horrible. Et j'ai dû le mettre depuis que j'ai vu, j'ai dû le mettre dans la tête de au moins 20 personnes. Oh la vache, salaud. Salaud. Pire qu'un virus, Attentat. quoi. C'est C'est ça. le cheval de Troie. Et elle est carrément mieux que la version anglaise, américaine. Ouais, enfin, ça, c'est toutes des questions de point de vue, évidemment. Bah voilà, on peut finir là-dessus en disant que c'est quand même un très bon Disney, un très bon retour aussi de Disney au premier plan, qui était un peu en deçà sur les précédentes années, mais du coup là qui arrive vraiment en force avec ce nouveau film. Et ben, on vous conseille de toute façon de le voir si vous ne l'avez pas encore vu, ou alors de profiter de la sortie en Blu-ray pour l'acheter. Donc voilà. Donc on va parler maintenant de Loulou l'incroyable secret. Ah ben voilà, ils sont tous là. C'est sympa, non? Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Nos mêmes sont mangés avec lui. Il est appétissant. Le sauveur pour la presse! Bouge devant! Une main posée sur son cou. C'est si facile après tout. Si merveilleux. C'est tout. Mademoiselle, des chocolats, s'il vous plaît. Oh, Scarlett. Oh, l'héroïne, j'adore. Et donc, alors, Loulou, l'incroyable secret, réalisé par Eric Aumont, qui signe ici sa première expérience à la réalisation, même s'il avait travaillé précédemment en tant qu'animateur sur la série Spirou, qu'on avait vu à la fin des années 90, début des années 2000 en France. Et il était accompagné également par Grégoire Solotareff, pardon. L'origine du livre pour enfants, donc à l'origine de celui qui a créé le personnage de Loulou. Il a donc au niveau des expériences, au niveau de la réalisation, il s'est occupé notamment de U, qui était sorti en 2006 en collaboration, avec Serge Elissalde. Alors l'histoire, c'est Loulou qui est un loup, donc. Qui a un incroyable secret. Exactement, qui a un incroyable secret, qui est accompagné d'un lapin qui s'appelle Tom, et ils vivent ensemble au pays des lapins. Alors seulement Loulou, qui se croyait orphelin, découvre que sa mère est vivante. Il décide alors de partir au pays des loups, dans la principauté de Wolfenberg. Alors je sais que, Tuntun, toi tu as vu le film. Oui. Alors qu'est-ce que tu m'as pensé? J'en ai pensé que du bien, voilà. Très bien. que dire sur ce film? Alors déjà on peut commencer par... Alors moi ce qui m'a frappé, la première chose qui m'a frappé, c'est la réalisation technique, où... On parle souvent des budgets, des gros budgets qu'on a vu pour les films américains pour La Reine des Neiges. Là, on est sur un budget de 7 millions d'euros, ce qui est vraiment... Alors, pour un budget européen, c'est dans la moyenne, on va dire. Je crois que c'est le budget du clip de Libéré, délivré. Ah oui, d'accord. Ouais. à peu de choses près, ça doit être ça, exactement. Ça doit être ça. Par contre, moi, j'ai vraiment adoré... déjà, les décors, t'as l'impression d'avoir un tableau à chaque fois. Ouais. Ouais, il y a des décors magnifiques. C'est magnifique. Au niveau de l'animation, pour tout dire, il n'y a rien à dire, justement. Bah non, justement, contrairement à ce que ça s'inscrit un peu, plus ou moins, dans le même registre que Ma Maman est en Amérique. Ouais, Ma Maman est en Amérique et on voyait des problèmes d'animation et tout, c'était quand même un peu saccadé, c'était pas fluide, etc. Là, c'est vraiment... ils ont fait le choix d'un truc super épuré, mais qui marche à fond, quoi. Bah, qui respecte déjà l'œuvre originale. Parce que bah, déjà, original, oui. Tu retrouves ce trait-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est très, très, c'est très, très doux, très, très joli, en tout cas. Oui. Au niveau des personnages, au niveau des décors, il y a vraiment là-dessus un travail qui est vraiment très, très beau. Et en plus, c'est de la 2D, alors voilà, on va toujours dire la même chose, mais la 2D, il y a quand même une chaleur qui est plus intéressante et qui transparaît davantage que sur un film en 3D. Ouais, là, les couleurs sont vraiment superbes, notamment dans les décors, et comme tu le disais, il y a des décors, on dirait un tableau, quoi, c'est superbe. Mais oui, exactement, ça t'accroche l'œil, puis il y a une telle variété dans les décors que forcément tu le vois de suite, quoi. Et là-dessus il y a aucun souci à avoir. Il y a vraiment du beau travail de fait, et ça montre que il y a quand même du talent au niveau de l'animation française, au niveau de la réalisation en France, qui est pas négligeable à ce niveau-là. Tout à fait. On peut dire aussi que c'est ce qui est enfin bien, c'est que on est sur un film qui prend pas les enfants pour des idiots. Et c'est quand même rare, en tout cas à une époque où Dora truste un peu l'animation, en tout cas à la télé le matin, c'est qu'on va pas lui dire je sais plus ce que je veux dire. Non, mais je vois à peu près ce que tu veux dire. En fait, l'histoire est vraiment très intelligente, et on retrouve un double niveau de lecture. qu'on trouve difficilement dans les films totalement apparentés jeunesse, quoi. Avec des jeux de mots qui sont. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle le tailleur, mais je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un jeu de mots aussi avec son nom. Il y a l'expression. Simon Edgar Finkel. Voilà, Simon Edgar Finkel. Et il y a aussi l'expression qui mordine, tu vois. C'est des trucs tout cons, mais tellement ouais, drôle. Ouais, il y a plein de choses. Et il y a vraiment un double niveau de lecture, parce qu'il y a aussi certaines critiques. Bon, c'est plutôt léger. Ah, ouais. Enfin, ouais, mais vous m'entendez là? Là, je t'entends, ouais. Il y a un double niveau de lecture, tu disais. Donc, il y a un double niveau de lecture. Les enfants, voilà, c'est une histoire totalement abordable pour les enfants. C'est très intelligent, c'est très bien mené. Et il y a un vrai côté en plus. Comment dire, un peu mystique. Enfin, il y a beaucoup d'éléments dans ce film. Et il y a aussi des critiques, des critiques sociales, des trucs pour les plus grands, des éléments de l'histoire pour les plus grands. Et notamment, bah, tu le disais, dans les jeux de mots, dans les noms, dans certaines choses comme ça aussi. Et dans le fond de l'histoire, et du coup, oui, il y a ce double niveau de lecture qui est très intéressant. Et puis, bah, l'histoire est super intéressante de base, quoi. On peut parler aussi des voix. Le doublage qui est parfait. Qui est juste très très bien. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de pester ici contre les doublages. Où on met en avant tel acteur ou tel acteur parce qu'il a participé, parce qu'il a donné sa voix. Là ici le doublage, on connaît pas du tout les acteurs, quelques-uns sont connus je crois, mais dans l'absolu, en tout cas on les met pas en avant, on les met pas au générique du film en premier. C'est pas là-dessus qu'on vend le film. Exactement, et on se rend compte que le choix des voix est vraiment parfait. Que ce soit pour Tom le Lapin. Pour l'oncle de Loulou qui a une voix grave mais qui est marquante parce que les voix comme ça t'en entends pas tout le temps et ça montre encore plus le côté le côté personnage méchant et en plus pour un loup ça passe vraiment très bien et voilà tous les personnages sont bien représentés en tout cas une voix qui correspond vraiment à ce qu'ils représentent et elles sont très bien choisies, elles sont très bien accompagnées aussi, elles accompagnent très très bien le film sur toute la durée. Franchement, c'est vrai qu'on peut le voir au premier abord comme un film pour enfants, mais tous ces détails-là, toutes ces choses-là, ont montré que c'est vraiment, que le travail est vraiment très très bien fait et qu'il mérite plus d'attention que le simple fait d'accompagner ses enfants au cinéma pour aller le voir. Il y a vraiment une qualité d'écriture qui est vraiment appréciable à voir. Ouais, ouais. Et un travail, bah, le doublage en fait partie, mais un travail sonore de grande qualité. Oui. Avec notamment des musiques qui sont vraiment superbes. Et un travail sur les bruitages, sur le son, qui est vraiment excellent, quoi. Et juste au niveau des doublages, tu disais, il y a des personnes. Il y a des personnes connues, je viens d'y repenser. Il y a alors Carlo Brandt qui double Lou Andrea. Donc Lou Andrea, c'est le méchant. Et Carlo Brandt, pour ceux qui ne se souviennent pas de son nom, c'est Méléagant dans Kaamelott. Et alors, du coup, je sais pas si ça, enfin, ça parlera à ceux qui ont vu Kaamelott, je pense, mais. Et c'est une voix très très reconnaissable et qui va parfaitement au personnage. Et donc voilà. Le beau-père, c'est ça? Non, Méléagant, c'est celui qu'on appelle la réponse. Qui guide Lancelot quand on le croit mort. Ah d'accord. Oui, je vois, c'est d'accord. Et du coup, après, tu fais l'association des deux et c'est vrai que sa voix est vraiment parfaite pour le rôle, je trouve. Ouais, entre lui et le dragon entre les smokes dans le Hobbit, ça va savoir qui est la voix la plus grave, quoi. Donc voilà, alors je pense qu'il est encore disponible dans les cinémas, donc faut pas hésiter à aller le voir. Hein. Bah surtout que s'il y est, il y est plus pour longtemps, à mon avis. Ouais, ah Parce qu'il ouais. est sorti le 18 décembre. Mais c'est un film à aller voir parce qu'il mérite amplement d'être vu, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère qu'on t'a donné envie, Chronos, si tu l'as pas vu. Bah ouais, ça donne bien envie de tenter le coup. On va passer alors au dernier film, qui est un film, on dit un film qui est sorti il y a très très longtemps, puisque c'était à la fin des années 80, puisqu'on va parler maintenant d'Akira. Akira, donc réalisé par Katsuhiro Otomo, Katsuhiro Otomo pardon, qui est à l'origine même du manga, puis l'adaptation en film d'animation, alors que le manga était toujours en cours de pré-publication. C'est pour ça que la fin, notamment, et bah, le déroulement des événements peut être différent entre les deux supports. Donc l'histoire, c'est Tetsuo, un adolescent ayant vécu une enfance difficile, pardon, et qui est victime d'expériences visant à développer les capacités psychiques qui dorment en chacun de nous. Ainsi doté d'une puissance que lui-même ne peut imaginer, Tetsuo décide de partir en guerre contre le monde qui l'a opprimé. Dès lors, il se retrouve au cœur d'une légende populaire qui annonce le retour prochain d'Akira, un enfant au pouvoir extraordinaire censé délivrer Tokyo du chaos. Déjà, on peut expliquer pourquoi Akira ressort, puisque Akira, en fait, c'est 25 ans, les 25 ans de sa sortie, et donc... Excusez-moi, D-Bex, donc l'éditeur que l'on connaît bien d'animation japonaise, s'est associé avec la chaîne de cinéma des méga CGR pour proposer une journée spéciale. C'était le 19 décembre, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça devait être ça. C'est ça, hein, ouais. Où justement plusieurs salles proposaient de revoir 19 Akira. décembre, pardon. Dans les conditions d'un cinéma, les conditions d'une salle de cinéma, pardon. Tu disais quoi, Tonton, excuse-moi? Je disais c'était le 19. 19, voilà. Et puis pour les plus courageux, derrière, il y avait les deux premiers épisodes de la série Ghost in the Shell Rise. Personnellement, je crois que Tonton non plus ne l'a pas vu, donc nous n'en parlerons pas ici. Alors, Akira, bon, déjà, toi, Antoine, toi, tu l'as déjà vu, je pense. Oui, je l'avais déjà vu et je l'avais vu il y a un petit moment, donc je me souvenais, enfin c'est pas que je me souvenais plus, mais disons que là le revoir dans de pareilles conditions, bah, c'est assez exceptionnel. Je pensais pas que je le verrais un jour au ciné, Ah oui, c'est clair. et je l'ai regardé comme pour la première fois. Et c'est dingue cette claque que ça fout encore 25 ans après, quoi. Le film n'a pas vieilli, et il est techniquement et artistiquement hallucinant. L'histoire est dingue, même si, bon, forcément, par rapport au manga, il y a des morceaux en moins, et il y a un petit vide. Enfin, voilà, le regarder en se disant qu'il a 25 ans, c'est... Et en le voyant avec cette qualité dans une salle de cinéma, ouais, c'était dingue et j'ai passé une super soirée. Ah oui, bah c'est, bah, je pense que bah, je vais dire la même chose, hein, forcément. Moi, en plus, j'étais à côté de quelqu'un qui ne l'avait jamais vu, donc imagine le voir pour la première fois au cinéma comme ça, c'est du bonheur, quoi, parce qu'en plus, un des films marquants du cinéma d'animation japonaise. Bah, c'est un film étape. Hein. Oui. Et pour pas que pour l'animation japonaise, je pense. Ah oui, c'est clair. Il a été très. Déjà quand on voit le découpage du manga, il y a quand même un côté très storyboard, très très cinématographique qui transparaît en plus, qui transpire après dans le film et qui est super beau quoi. Je veux dire que ce soit les effets des phares sur les motos qui restent un peu à l'image par des traits lumineux. Quand on voit la ville se détruire, les ponts tomber, quand on voit les différents ponts, les ponts qui chutent par exemple, c'est vraiment magnifique quoi. Il y a vraiment là-dessus un travail d'animation, un travail du dessin de très très très haute qualité quand même. Ouais, c'est vraiment hallucinant et je veux dire qu'en 80, c'est quoi du coup 89 89 ou 88 du coup. 25 ans 2013, 88, ça reste. Se dire que ça n'a pas vieilli, surtout quoi. Parce que bah, se dire qu'en le voyant au cinéma, c'est encore une énorme claque. Ah ouais, ouais. C'est dingue. Et puis les musiques sont incroyables et mettent totalement. Enfin, en étant là dans la salle, se prendre ces musiques dans la tronche avec cette image et tout, c'est. C'est vraiment, c'est assez dur à décrire parce que je pense que ouais, parmi les auditeurs, il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu, certains peut-être au ciné, on sait jamais. mais c'est vraiment de l'avoir vu avant et de le voir maintenant au ciné, c'est incroyable. Après tu le regardes, on le regardera pas de la même façon du coup qu'on regardera. Ah non, clairement pas. C'est, il manquerait quelque chose quoi. Ouais, puis c'est surtout de voir que à quel point maintenant en 2D, enfin maintenant c'est plus de la 3D, mais qu'on n'arrive pas à atteindre un tel niveau de qualité en 2D quoi. Oui. Ouais. C'est assez dingue de voir ça quoi. Enfin, moi j'ai découvert il y a 3 ans, j'ai jamais vu avant et j'ai découvert il y a 3 ans, donc c'est pour dire. J'ai rattrapé mon retard. C'est hallucinant à quel point les fixes de fumée, choses comme ça, c'est tellement c'est hallucinant quoi. Bah notamment avec la fameuse scène de début. Avec la poursuite à moto, ouais. Ouais. Ah oui. Enfin voilà, de toute façon cette scène est culte. Ouais. Et d'autres scènes, il y a tellement de scènes cultes dans ce film et qui sont encore incroyables techniquement. Quand Tetsuo fait son cauchemar avec les ours en peluche dans la chambre d'hôpital, la première fois que tu le vois, t'es pas bien quoi. Hein. Ouais, vraiment. C'est sûr. Ah ouais, c'est vraiment tout ce qu'il a apporté, enfin 25 ans, on voit aujourd'hui encore des références partout dans plein de trucs et c'est un film qui a tellement marqué et la culture mondiale enfin voilà tous ceux qui étaient petits ou qui avaient déjà 20 ans à l'époque qui l'ont vu à l'époque et tous ceux qui sont nés après et qui l'ont vu après tout le monde est marqué par ce film quoi. C'est vraiment une œuvre incontournable de l'animation mondiale et voilà et Otomo c'est un maître incontesté de l'animation quoi. Je voulais dire également que le film était diffusé en VO/STFR, ce qui était encore plus appréciable pour notamment tout ce qui était le travail sur l'animation des bouches, des dialogues en fait. Parce que là-dessus, il y avait un vrai travail qui avait été fait pour coller au plus près des dialogues. Et franchement, c'est pour ça que là, quand on regarde en VF, c'est toujours un côté bizarre parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui colle pas vraiment. Et en fait, il faut vraiment le voir en VO pour l'apprécier de la meilleure des façons. Et d'ailleurs, j'ai trouvé dans certains sous-titres quelques couacs de traduction avec des phrases un petit peu alambiquées et qui avaient pas forcément une bonne syntaxe. Et donc, c'était assez léger, mais Voilà, sur le coup, c'est un petit peu dommage, quoi. Pour finir, alors moi, j'aurais vous conseillé un autre film alors, auquel a participé Katsuhiro Otomo en tant que scénariste. Alors la réalisation, c'était Rintaro, et en fait le film, ça s'appelle Metropolis. C'est l'adaptation d'un titre d'un manga d'Osamu Tezuka encore lui. Et on trouve vraiment ce côté fin du monde, ce côté comment dire l'homme qui veut un peu le même principe qu'Icare, c'est-à-dire que l'homme qui s'approche trop près du soleil, qui se brûle les ailes. Et voilà, donc c'est un film qui ressemble un peu. On trouve pas mal de thèmes communs à Akira et graphiquement qui est vraiment très très beau. On retrouve le côté, le trait de Tezuka qui est magnifiquement mis en scène dans ce film. Et donc, je vous le conseille, il était sorti en DVD il y a une dizaine d'années de ça. Ça remonte déjà. D'ailleurs, en parlant de ça, là il y a eu pas mal d'infos dernièrement qui sont tombées sur l'actu de Otomo. Il y a notamment, donc on parle régulièrement de. Enfin, c'est annoncé depuis plusieurs années maintenant, mais Otomo devrait faire un nouveau manga d'ici peu. D'ailleurs, il y a un numéro spécial du magazine de prépub Brutus qui est entièrement consacré à l'auteur qui sort cette semaine, je crois. Il y a l'éditeur Paille, PIE, qui sort un artbook bilingue japonais-anglais qui s'appelle Poster et qui contient en fait 150 posters réalisés par Otomo, donc des affiches de pub, des posters pour ses différents films, etc. Et il y a aussi au mois de janvier, là, sort une édition DVD, une édition Blu-ray de Short Piece. Donc l'omnibus qui était sorti cet été au Japon fin juillet avec un court métrage d'Otomo et trois autres courts métrages d'autres réalisateurs. Et pour l'occasion, au Japon, ils ressortent un Blu-ray de Memories. Et le Blu-ray d'un moyen métrage qu'il avait réalisé, dont je ne me souviens plus du nom. Dans Memories, hein? Non, non, non, à part. Un autre. D'accord. Voilà. Et donc, Memories, qui était un pareil, un omnibus un peu comme Short Piece. C'était magnifique avec. T'avais la rose magnétique, t'avais. Un qui est très drôle, c'est The Human Bomb. Faut vraiment le voir parce qu'il est c'est vraiment drôle. Bah les trois films sont très très bien. Les trois films qui composent Memories sont vraiment très très bien. Et donc C'est voilà, donc beaucoup d'actu et j'espère qu'on aura le droit très bientôt à une réédition de Memories et Short Piece publié chez nous. oui, Ça serait également. bien Tout à fait. parce que vraiment ça m'a l'air d'être très très bon et on a eu très peu de nouvelles depuis la sortie au Japon et voilà, ça serait bien que ça arrive en France. Sorti il y a pas longtemps, non? Pas longtemps, non? C'est sorti au cinéma, c'est sorti le 27 juillet ou quelque chose comme Quand ça. même. Et c'est très difficile de voir en dehors des deux bandes-annonces qu'on a eues avant la sortie. C'est très difficile de voir des images du film. Et on n'oubliera pas aussi de remercier l'IMEX pour l'initiative et on espère aussi avoir le droit à d'autres initiatives de ce genre en proposant des vieux films d'animation, en tout cas, ou même des très bons films d'animation au cinéma dans de telles conditions. Voilà, le message est passé. Et ben voilà, sans transition, moi, si on a même une petite transition, ben on va passer au bilan de l'année 2013. Yeah. donc le bilan de l'année 2013, on a essayé de faire, on va faire moins long, en tout cas plus simple que ce qu'on avait pu faire l'année dernière. On avait fait le premier hors-série sur les films de 2012, justement. Pour le coup, alors on s'est dit que à nous trois, donc, il fallait qu'on choisisse chacun 5 films que l'on avait classés dans un ordre bien particulier. Et cet ordre bien particulier nous permettait de faire une liste globale de nos choix à tous les trois et de savoir quel film on avait le plus apprécié, en tout cas quel film, même au pluriel, on avait apprécié. Alors, du coup, derrière cette liste, en fait, on retrouve 8 films, 8 films d'animation, qui viennent un peu de... Il y a du japonais, il y a de l'américain, il y a du français. Il y a vraiment de tout. Voilà, il y a pas mal de choix, en tout cas, à regarder, à voir. Et on va vous expliquer ça tout de suite. Alors, pour commencer, d'ailleurs, on va commencer, je vais te donner la parole à Chronos. C'était oui. Même un des... on en avait même déjà parlé tous les deux ensemble lors de l'émission spéciale sur le bilan de l'année 2012 dans le temps d'animation. Donc c'est Hôtel Transylvanie. Oui. Tu l'avais bien apprécié. Oui, j'ai beaucoup aimé Hôtel Transylvanie. C'est fait par le studio qui a fait Tempête de boîte géante. Alors je sais plus le nom, c'est le nom du réalisateur. J'ai dit Tarkovski. Voilà, comme tu le sais mieux que moi, parce que moi j'arrive jamais. notamment, on l'a vu sur les Super Nanas, ouais, sur Star Wars en 2D, Clone Wars. Exact. Hein. Le laboratoire de Dexter aussi, si je ne dis pas de bêtises, et Samurai Jack. Samurai Jack, ouais. Et il y a vraiment ce côté-là dans le film, au niveau de l'animation, c'est super cut, c'est super tranché, etc. L'humour, c'est vachement. C'est assez bien. Je l'ai revu en Blu-ray il n'y a pas si longtemps, alors je trouve qu'il y a des choses qui passent un peu moins bien à deuxième vision. Ça reste très très joli, c'est très mignon et c'est toujours aussi drôle, mais peut-être que c'était l'euphorie de la première vision, mais c'est vrai que deuxième fois c'était un petit peu moins bien. Après j'étais un petit peu fatigué aussi, ça n'a pas aidé, mais non, il reste quand même en bonne position dans mon top, en cinquième position je crois. Je pense aussi le fait qu'il n'y a pas non plus un scénario très très développé. Oui, ouais, c'est ça. C'est pas, ce que je veux pas. C'est pas extraordinaire quoi, au niveau du scénario. C'est juste prétexte finalement. Donc, Juste une question par rapport au Blu-ray, par rapport au bonus. Est-ce qu'il y a un retour sur la dure gestation, la difficile gestation du film ou pas du tout? C'est comme d'habitude, les bonus, c'est assez succinct. Ça parle pas trop de ces trucs-là. Ça parle vite fait de. Des défis un peu techniques qu'ils ont fait, mais ils abordent pas trop le sujet de la production, quoi. C'est un peu dommage. On sait qu'il y a quand même pas mal de réalisateurs, il y a eu... Ouais, il y a 4 ou 5, c'est assez difficile, quoi. C'était compliqué, exactement. Mais voilà, si vous l'avez pas vu, c'est vrai que c'est dans l'esprit du réalisateur, hein, donc si vous avez apprécié ce qu'il a fait auparavant, foncez, si vous n'aimez pas du tout, on vous conseille pas forcément de le regarder. Ce serait assez, voilà, c'est vraiment dans la droite ligne de ses travaux précédents. Deuxième film, alors on va parler d'Epic. Bah, c'est encore à toi, Chronos. Oui, c'est encore à moi. Alors du coup, j'avais un peu zappé quand on a fait le top et je m'en suis rappelé que finalement, c'était pas si mal. Alors du coup, c'est du studio Blue Sky dont je vais pas dire que j'ai ma version pour eux, mais disons que je suis pas fan de ce qu'ils font. Ceux qui font L'Âge de Glace et Rio aussi, des séries de films que je n'aime pas du tout. C'est d'autant plus dommage qu'ils ont des animateurs super doués et que techniquement c'est jamais très très moche ce qu'ils font, mais c'est au niveau de l'histoire, je supporte pas ce qu'ils font. Et Epic, en fait, j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est moins débile que ce qu'ils font, c'est un peu plus adulte, c'est pas extraordinaire, mais c'est, franchement, l'aventure est vraiment plaisante, ça suit bien, ça bouge bien. Et c'est plus de l'aventure qu'une comédie juste avec des gags comme Scrat qui se casse la gueule. Et c'est vraiment plaisant, quoi. C'est vraiment, en plus, c'est assez joli, à part certains personnages qui sont un peu trop cireux au niveau de leur rendu. Et non, c'est vraiment, vraiment un bon film. Et ça fait pas trop, je vais faire l'avocat du diable, mais ça fait pas trop... Arthur et moi. Alors, j'ai pas vu Arthur, alors du coup, je peux pas trop comparer. Parce que, vraiment, en regardant la bande-annonce, c'est la première chose qui saute aux yeux, quoi. Ouais, c'est vrai, mais après, comme je t'ai dit, ouais, je connais pas trop l'histoire d'Arthur. Enfin, je connais le principe, si tu veux, le concept. Effectivement, c'est assez proche, mais après, dans le détail, je peux pas trop juger. Donc, après, moi, ça m'avait fait penser à un autre film, je sais plus ce que c'était. Un film live où il y avait une gamine qui rétrécissait aussi pour. Maman, j'ai raté l'avion, non? Chérie, j'ai rétréci les gosses. Hein. Non, c'était pas ça. C'était avec un peuple un peuple de la forêt aussi, minuscule, alors je sais plus comment ça s'appelait. Ah oui, tout petit. Ouais, c'est ça, mais je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, ça me fait penser à ça, c'est un peu la même chose. Mais le film passe bien, hein, c'est vraiment pas mal. C'est un bon divertissement. Ouais. Je crois que c'est aussi la Epic, c'est le. Donc c'est les réalisés par Chris Hedge qui avait dû s'occuper du premier Wedge. L'Âge de glace Ouais, c'est ça. et qui était en retrait par rapport aux autres productions, donc ça lui permettait aussi de revenir sur un. Qui avait fait robot aussi. Oui, robot était bien aussi. Exact. Comme quoi? Exact. Bah oui. Donc Comme Blue quoi, il est Sky. bon ce type. Bah Bah ouais, oui. finalement. Laissez-lui la réalisation du film, tout simplement. Et surtout qu'il s'est fait un peu dans la douleur, apparemment, Epic. Ouais, c'est alors il y a des problèmes aussi par rapport à la distribution, il était pas trop d'accord parce que c'est pas qu'il était pas trop d'accord, c'est que je ne sais plus qui les distribue, mais ils sont en concurrence avec bah, je crois que c'est DreamWorks qui les distribue. Ouais, c'est la Fox, Ouais. c'est Century Fox. Exactement, et du coup le problème se posait vis-à-vis de je crois qu'ils auraient préféré passer à la place des Croods ou enfin bref, il y avait un micmac dans le Ouais. Ouais. Parce que c'est il n'y a pas si longtemps que c'est la Fox qui diffuse les films de DreamWorks, et du coup ils Exactement. sont un peu en conflit maintenant, c'est un peu compliqué. Exactement, Et après c'est voilà. pareil, il n'était pas particulièrement content du titre donné au film, qui lui convenait pas et qui ne reflétait pas suffisamment le film pour lui. C'est sûr, en tout cas, ça n'a pas empêché Chronos de l'apprécier. Et j'avoue que je suis assez curieux, moi aussi, de Ben, moi voir aussi, ouais. ce que ça peut donner. Bon, faut pas en attendre non plus Oui, mais enfin, c'est un. énormément, mais Ouais, il est c'est quand sympa à même dans ton voir. top 5, hein. Eh oui, Oui. c'est vrai. En Les 7 4e fabuleuses position. années 2013. Ouais. Je sens l'ironie dans cette remarque. Bah, du coup, je prends de la parole, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais vous parler, moi, du coup, de Aya de Yopogo. J'avais déjà eu l'occasion de faire une critique, donc je ne vais pas forcément m'étendre énormément dessus. Mais en tout cas, ça reste une bonne surprise. J'ai aussi voulu le mettre pour le pousser un peu parce qu'il mérite sa place comme les 5 autres films de ma liste. Et puis ça, c'est toujours pareil, j'aime bien aussi le côté, ben, on fait des films en 2D. Alors l'animation est vraiment pas top pour ne pas être plus dur encore, mais je dirais l'esprit du film et l'humour du film contrebalance totalement ça, c'est-à-dire qu'on fait abstraction de la forme pour s'attacher, pour s'intéresser davantage au fond. Et puis en plus, on s'intéresse aussi à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, et c'est plutôt rare dans un film, et encore plus rare dans un film d'animation, d'aborder ce type de sujet, ce pays qu'on connaît pas trop, ses rites, ses coutumes, voilà, qui sont pas non plus très éloignés de la France non plus, mais que l'on ne connaît pas forcément. Et voilà, on passe un très très bon moment devant ce film. Il mérite amplement d'être vu. Voilà, ça fait partie de la production française de qualité, comme on avait pu le voir sur une production francophone comme Ernest et Célestine, ou comme on en parlait tout à l'heure, Le Loup, l'incroyable secret. Donc c'est un film à voir vraiment pour comprendre, pour rigoler aussi, parce que ça fait toujours du bien de rigoler devant un film, parce que voilà, parce que c'est un excellent film, hein, tout simplement. Les Croods, alors je pense qu'on est trois, non, on est deux, pardon, du coup, on est donc Toon Toon et moi, mais je crois Oui. que Chronos l'a vu aussi. Ouais, je l'ai vu aussi, ouais. Alors Toon Toon, ton avis, pourquoi tu Ben l'as mis dans ton top? moi je l'ai mis dans mon top parce que déjà je l'ai vu très récemment, c'est-à-dire avant-hier. Et je l'ai trouvé vraiment, enfin c'est une très très bonne surprise pour moi. Je l'ai trouvé déjà très très bien réalisé, que ça soit techniquement ou en termes de plan, de caméra, de mouvement, etc. Les animations sont vraiment très bonnes, surtout que c'est jamais évident d'animer des mi-hommes, mi-singes, on va dire. Des hommes de Cro-Magnon comme ça qui se déplacent sur quatre pattes, c'est pas simple. et c'est très bien animé. Il y a une direction artistique, ce que j'avais très peur en voyant les affiches au début et en voyant les premières images, j'avais peur d'un truc un peu fade, un peu too much. Et en fait, non, la direction artistique est vraiment incroyable, je trouve. Et puis bah, le film est drôle. Il y a beaucoup de scènes super sympa. La scène, notamment la scène d'introduction, qui va à 100 à l'heure, qui est super bien réalisée. Quand il lâche le bébé, ça c'est énorme. Ah, mais il y a tout. Dans cette scène, il se passe. En fait, il y a plein de choses. Il y a des petites références placées par-ci par-là. Il y a ce moment où il lâche le bébé. Il y a plein de choses, et en fait ça résume plutôt bien le film, dans le sens où c'est vraiment bien rythmé, c'est drôle, c'est référencé comme souvent ce genre de film, c'est très très coloré aussi, hein. C'est très coloré. Ça fait du bien d'avoir des réalisations qui utilisent toutes les couleurs. Notamment le moment où c'est le premier basculement entre le premier et le deuxième tiers du film, où on arrive dans une espèce de jungle et où c'est superbement coloré, et c'est voilà, et c'est très très bien. Il y a une galerie de personnages super drôle. J'ai beaucoup aimé certains qui vont, je pense, notamment un qui va devenir qui est déjà culte apparemment, c'est Bracelet, qu'ils ont appelé Bracelet en français et qui s'appelle Belt plus logiquement en anglais. Et, c'est lequel celui-là? C'est le petit paresseux qui sert de ceinture. Il est devenu culte, ce personnage. J'ai lu ça, je sais plus dans quelle interview. Où le réalisateur, donc le réalisateur c'est Chris Sanders, Kung Fu Panda aussi. Non. Alors attends, je me remémore. Il a été scénariste sur beaucoup de choses, notamment Le Roi Lion. Il a réalisé Lilo et Stitch. L'effet Dragon, voilà, c'est ça. C'est lui qui a réalisé Dragon. Voilà, il a réalisé Dragon. Et donc, voilà, c'est pas n'importe qui. Et c'est lui qui double d'ailleurs ce petit animal. Et j'avais lu dans une interview de lui où il disait que il avait eu énormément de retours sur ce personnage-là et que et qu'il réfléchissait parce que les Croods 2 est déjà plus ou moins en chantier. Et ça serait, moi je le vois un peu comme le Scrat de l'âge de glace, quoi. Mais donc voilà, une galerie de personnages vraiment très drôle. La grand-mère est super drôle, la fille aussi est vraiment très marrante, enfin l'héroïne du coup. Et voilà, j'ai passé un super bon moment, et c'est le genre de film qui est vraiment sympa à voir pour se détendre. Exactement, ouais, tout à fait. Bah, j'ai un peu le même sentiment que toi, et je pense que Chronos, c'est la même chose. Hein. Un peu moins, mais ça va. C'est pas le pire. Oui. Non, c'est pas mal aussi, pour contrebalancer. Je suis pas aussi emballé, parce qu'au niveau des designs, pas fan de tous les personnages. Ils sont très carrés aussi. Hein. Ouais, ils sont très carrés. Ouais. Mais justement, j'aime bien ce côté-là. Oui. Je t'ai coupé, Chronos. Spécial. Après, je dois reconnaître que j'ai pas passé un mauvais moment. Même plutôt surpris parce que je m'attendais vraiment à un truc très très nul, quoi. Et j'aurais juste que sur la fin il soit pas allé au bout de ce qui l'amenait, en fait, sans spoiler le truc avec le père, ce qui se passe avec le père. J'aurais aimé qu'il aille jusqu'au bout, un peu comme ce qu'il a fait sur Dragon. Il a osé un peu aller jusqu'au bout, peut-être pas aller jusqu'au bout, mais rester dans cette direction, parce que là du coup ça finit tout est bien qui finit bien, donc ouais, ça fait un peu happy end. Mais oui, bah comme tu dis, je pense que c'est aussi le fait que je l'ai vu très très récemment Et que ça soit vraiment une surprise, parce que moi je m'attendais vraiment, enfin j'en attendais vraiment pas grand chose quoi. Du coup, ça m'a peut-être emballé grâce à ça aussi. C'est sûr, bah voilà, tous les goûts, comment dire, les goûts et les couleurs, comme on dit, voilà. Alors on va passer maintenant à notre top, on va dire top 3, même si il y a deux titres sur la troisième place, la troisième place, c'est ça, du podium. Alors le premier, bon, on va passer très très rapidement parce que c'est Loulou, l'incroyable secret. Je pense on a fait le tour tout à l'heure en expliquant que c'était un excellent film d'animation et qu'il fallait le Un voir film parce qui qu'il est est à voir bien. au cinéma. On va plutôt s'intéresser à L'être à Momo, qu'on a tous les trois vu, mais moi je ne l'ai pas vu dans mon top, il n'y a que vous deux. Alors explique-nous Chronos déjà, qu'est-ce qui t'a plu dans L'être à Momo? Ouais, bah on en avait parlé dans un précédent podcast, mais c'est vrai que c'est vraiment très agréable comme film. Il y a vraiment ce côté film japonais où l'héroïne va dans une autre ville qu'elle connaît pas. Qu'elle change ses habitudes et qu'elle découvre un petit peu l'univers qui l'entoure. Et puis avec les trois personnages, les trois démons qui sont vraiment très drôles, surtout le petit là qui est vraiment hilarant. Ouais. L'animation est assez folle quoi, il y a un travail sur le mouvement, c'est vraiment incroyable quoi, et ça marche vraiment dans le film. Et non, franchement, c'est vraiment un film très plaisant à voir. Ouais, je sais pas si tu en diras plus que moi. Non, bah c'est oui, je suis assez d'accord. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de film, c'est ce côté un peu lent, même si là, il est un poil trop lent, il y a je pense Ouais, 10 je minutes, un reconnais, quart ouais. d'heure en trop. C'est vrai qu'il y a des moments où ça bouge pas beaucoup, mais moi ça m'a pas dérangé plus que ça va. Mais voilà, moi c'est aussi ce que j'aime dans ce genre de film, c'est qu'il y a toute cette partie installation un petit peu du contexte. Et du coup ça fait un peu du tranche de vie et moi j'aime vraiment ça. Ouais, c'est ça, on s'imprègne en fait de l'ambiance, c'est ça qui est assez fort en fait, on se laisse porter tout simplement et y a les habitudes des personnages qui commencent à arriver et on se laisse porter, on se laisse imprégner par l'ambiance, l'atmosphère, ça se fait tout seul en fait, c'est ça qui est assez fou, c'est vraiment facile en fait de se laisser emporter. Ben oui, c'est exactement ça. On découvre les personnages petit à petit, on apprend à les connaître. Et puis, voilà, comme tu dis, on se laisse emporter. Et jusqu'à l'arrivée des trois yokai et tout le développement de l'histoire qui va avec, etc. Et c'est vraiment, c'est un très joli film, quoi. Et comme tu dis, c'est exactement ça, quoi. On se laisse porter. J'ai du mal du coup, je contrebalance balance un peu votre avis, c'est par rapport justement à cette lenteur où ça m'a vraiment, ça m'a, pour laquelle j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans le film. Après ça a été sur la deuxième partie du film, mais c'est vrai qu'au début, bah, le fait que voilà, on s'appesantit un peu plus sur un plan, puis sur un autre, etc., ça fait que le film paraît vraiment très long. Alors que la fin, voilà, la fin est plus dynamique, voilà, la séquence. Sur le point. La séquence sur le pont est juste magnifique et juste très très très très bien faite. Voilà, là-dessus, il n'y a rien à dire, mais pour le reste, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. C'est un film très très contemplatif. Oui, c'est ça, ouais. Bon mot. Autant voilà, sur des films comme, je sais pas, un Ghost in the Shell, pour moi, ça passe bien. Autant sur celui-là, ça m'a vraiment freiné pour l'apprécier. Après, si je pense à sa juste valeur, hein. Mais après, Mais ça, c'est parce que t'es mort à l'intérieur, je pense. ouais. Ah Voilà, c'est dit. Non, mais voilà, c'est qu'il y a ce côté très japonais. Il y a que qu'on se rythme là, très très lent, très bah, tranche de vie. Et avec en plus, là, c'est sur une petite île, donc ce côté un peu isolé, etc. Et c'est vrai que c'est très particulier. C'est vrai que le rythme, je trouve aussi qu'il y a un léger problème de rythme. Comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être 10-15 minutes en trop. Mais Mais ça reste reposant quoi, c'est voilà. ouais, c'est vraiment ouais, on se prend au rythme en fait, ça fait du bien par rapport à tous ces films d'action en mettre plein la vue, ça fait du bien. Oui, puis par contre, la réalisation, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Elle est vraiment, ouais. Vraiment très très belle. Alors, le deuxième film de notre, du podium, justement, de notre sélection. Alors, on en a parlé tout à l'heure en long, en large, en travers. On ne va pas non plus s'apesantir longtemps dessus. C'est La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, ben voilà, je pense qu'on va pas. Il y a Tonton qui l'a mis en premier, Chronos qui l'a mis en deuxième, et moi j'ai mis en troisième, comme ça. Bon, ça, il se complète parfaitement sur le classement de chacun. Mais voilà, je pense qu'on peut déjà tout de suite passer au premier, qui a quasiment fait l'unanimité, sauf évidemment Tonton qui a fait son intéressant. Alors que t'as mis La Reine des Neiges en troisième, quoi. Bah... on ne croit pas. Ouais, en fait, je pense que c'est la chanson qui m'a fait baisser d'un cran, tu vois. Ouais, c'est ça. Au niveau du classement. Libère-toi, Romain. Bah, je vais évidemment parler du meilleur film de cette année. Je vais évidemment parler de Monstre Academy, puisque voilà, c'est forcément le meilleur film de l'année, puisque c'est l'après-quel du meilleur film de chez Pixar. Et là-dessus, voilà, là-dessus, moi, je dirais plus rien, parce que c'est tout. Tout est dit dans cette phrase, voilà. Je laisse réagir. J'ai plus grand chose à dire non plus. Hein. Bah, on en a dit beaucoup déjà, ouais, on a dit dans beaucoup, le podcast, ouais. Dans notre premier Celluloid. C'est pas très beau. C'est... Voilà, c'est ça l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas fait l'erreur de reprendre le même schéma que Monstre et Compagnie, comme le font beaucoup de studios. Ils ont vraiment fait un truc à part et c'est ça qui marche du tonnerre. Quoi. Notre ambiance, c'est d'autres thèmes. Et ça marche vraiment bien, quoi. En plus, c'est super beau, alors. Oui. Que demander de plus ? Les lumières sont hallucinantes, ouais. Sur ce film. Ah, c'est clair, ouais. Les scènes, notamment, là, je me suis passé vers la fin, la scène d'intérieur avec la directrice, où tu vois la lumière ouais. dans la salle, c'est juste énorme, quoi. C'est pareil, tu vois, Monstre Academy, c'est alors il y a moins, je trouve qu'il y a moins de scènes cultes, il y a moins ce côté super drôle au niveau du dialogue comme était travaillé, ciselé à la perfection Monstre Academy. Mais voilà, on retrouve cette patte qui nous fait dire que putain, mais c'est trop cool, ils ont tellement bien fait de créer cet univers là. Voilà, on a plein de références au premier. La scène finale, la scène d'action, on va dire entre guillemets finale, est juste parfaite au niveau du timing, au niveau des réactions des personnages. C'est trop bien. C'est trop bien, exactement. Tu sais, tu m'as pris les mots de la bouche là. C'est vraiment trop trop bien. Et puis t'en as parlé, la directrice, mention spéciale à Catherine Deneuve, qui double c'est parfaitement. C'est vrai qu'elle se sort très très bien. Ouais. Exact. Exact, exact. Je suis pas sûr que c'est le même doubleur pour celui, je l'ai vu en VF il y a pas longtemps. Je crois qu'entre les deux, il a la même intonation, mais je crois que c'est pas tout à fait le même doubleur, alors il faudra peut-être vérifier. Pour lequel, Bob Razowski ou... Pour celui. Celui ? Ouais. Oui, il me semble que ça change. Oui, non, c'est pas le même, ouais. Je suis quasiment sûr que ce n'est pas le même, tout à fait. Tout à fait, bah voilà, je pense qu'on est... En tout cas, on est paré pour une vue. Alors, vous voyez, plutôt y aller comme ça. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, au final de l'année 2013, en termes d'animation ? C'était... heureusement qu'il y avait Monstre Academy, même s'il n'a pas super bien marché. Mais d'une manière générale, j'ai pas trouvé ça... c'est pas une année exceptionnelle, parce que je pense que l'année 2014, par contre, elle réserve beaucoup plus de surprises. Il y a eu des très bons films, il y a eu des films un peu moins bons, mais c'est vrai que quand j'y repense, en fait, ça m'a pas plus marqué que ça, en fait. Et toi, Tintou, non ? Un peu pareil, paraît un peu faiblarde par rapport à 2012, où il y avait de très très bonnes choses. Même si, forcément, on retient Monstre Academy, La Reine des Neiges, qui est le véritable retour de Disney sur le devant de la scène. Moi moche et méchant 2 qui m'a pas laissé un souvenir impérissable mais qui est plutôt sympathique à voir. Et ça manquait un petit peu de films japonais. Et voilà, Lettre à Momo qui était très bien et ça manquait d'Ame Yuki. C'est une personne n'a pas eu énormément. Non, il y en a eu peu. Par contre, au niveau film français, Ma Maman est un aimé qui était très très sympa. Aya Diopougon, Faut absolument le voir, hein. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de le voir. Et puis Loulou, l'incroyable secret, qui est vraiment excellent aussi. Une très très bonne surprise, ouais. Et puis je retiendrai aussi surtout Akira au cinéma. Ah ouais, qu'est-ce que ça a du pâté, quoi. C'était mon panard de l'année, quoi. À un moment, ça commence, t'as les frissons sur les bras parce que tu sais que tu vas prendre une grosse claque. Et en fait, ouais, tu prends une grosse ça. Claque. C'est ça. J'aimerais tellement le revoir aussi comme ça. Quelle violence en plus, c'est fou. Ça. C'est fou. Ouais, bah, je suis un peu pareil que vous, c'est-à-dire que, moi là-dessus, je suis peut-être moins objectif parce que moi, dès qu'il y a un film d'animation, je pense que je l'apprécie. Je pense que j'apprécie plus facilement un film d'animation. En tout cas, je trouverais un film d'animation moins nul qu'un film live. Après, voilà, oui, si c'est vraiment mauvais. Si c'est vraiment mauvais, ben c'est mauvais. Hein. On peut pas non plus trouver des excuses à chaque fois. Mais ça reste une année correcte, même si c'est vrai que par rapport à 2012, il y avait, quand on y repense, il y avait Paranorman, il y avait Ernesto Celestine, Ameyuki, il y avait vraiment, il y avait Hotel Transylvanie, il y avait vraiment une très très grosse qualité. Hotel Transylvanie, c'était 2013. Oui, exact, oui, on en a parlé, exact, oui, c'est vrai. Donc, il n'y avait pas Hotel Transylvanie encore. Mais voilà, on est un peu peut-être dans une transition, comme on va le voir tout de suite, par rapport à ce qui peut nous attendre en 2014. Alors, pour 2014, on va être assez, je vais être assez strict avec mes collègues, c'est-à-dire que je vais leur demander quel est le film, allez, quels sont les deux films que vous attendez là. Avec impatience. Pas deux, c'est trop facile. Un seul alors. Deux, je peux le faire. Dites-moi, je t'écoute, Tonton. Tempête de boulettes géantes 2. Oui. Qui devrait sortir entre février et 5 février. 5 février, c'est sûr et certain. Bah, c'est ce qui était lequel. D'accord. Tempête de boulettes géantes 2, parce que Tempête de boulettes géantes 1. Et que c'était très bien. Et d'ailleurs, il est passé pendant les fêtes. Et c'était encore du pur bonheur de le revoir. Et celui, le deuxième, s'annonce extraordinaire. Oui. Et puis, le film vraiment que... Alors j'espère qu'il sortira en 2014, mais j'en suis pas sûr. Mais qui pour moi risque d'être une énorme claque, c'est Kaguya Hime, le prochain film d'Isao Takahata. Alors, là il est prévu, moi je le vois, 2 juillet 2014. 2 juillet 2014. Ouais. D'accord. Bah si c'est le cas, très bien. Je signe. Je signe tout de suite et on... ouais. Surtout que là cette année on n'a pas de Pixar, on a donc ouais, c'est vrai donc on n'aura ouais. pas le Pixar estival. Donc ça sera parfait pour l'été. Kaguya Hime. Je signe tout de suite. Parfait. Bah du coup je vais te poser la même question, Chronos. Alors, donc, le premier film que j'ai choisi, ce sera donc Lego The Movie, ou en France, Lego La Grande Aventure. Déjà parce que je suis un bon fanboy en ce moment de Lego, et que le film a l'air absolument génial. Ce mélange entre stop motion et 3D, enfin, ils ont vraiment mélangé les deux techniques, et ça a l'air vraiment délirant, ça a l'air super à mort, et vraiment, vraiment très drôle. Alors, du coup, j'attends vraiment ce film-là. Puis enfin voilà, c'est ça, en fait ça change des films de d'habitude. Je pense que ce sera une bonne surprise, ce sera très rafraîchissant. Je pense qu'ils vont faire du bon boulot dessus. Et le deuxième film, ça sera Dragon 2 de façon classique, parce que j'avais grave kiffé le premier et que s'il se plante pas trop, je pense que le deuxième sera tout aussi bien. Donc voilà. C'est une ambiance en tout cas très jolie. Ouais, ça c'est sûr. Par contre, de photos. C'est marrant parce qu'il est prévu pour sortir le même jour que l'histoire de la princesse Kaguya. Je sais que déjà que Kaguya va écraser Dragon 2. Attention. L'espoir fait vivre. Hein. Ouais, non, mais ça va être une catastrophe pour Kaguya. Alors, je vois qu'aucun de mes camarades n'a cité Le Vent se lève, donc je le cite. Parce qu'on va le voir la semaine prochaine. Donc, Oui. Oui, exact. Ouais. Bien vu. Donc je ne citerai pas Clochette et la fée pirate parce que ce n'est pas celui-là que je voulais citer évidemment. Mais j'aimerais citer un autre film, c'est Totilda, qui est pas forcément connu, qui est pas forcément mis en avant encore, mais qui s'annonce vraiment pas mal. Alors c'est encore une réalisation française. C'est Jean-Rémy Girard qui s'en occupe, donc et c'est le studio Folimage aussi. Puis c'est en 2D, puis voilà, la BD c'est toujours magique. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder la bande-annonce parce que elle vous donne un peu le ton de ce que donnera le film. C'est un peu le principe de la bande-annonce en même temps. Mais pour le coup, c'est marrant parce que ça se rapproche de ton film justement, Antoine, que tu apprécies tant au niveau du travail graphique, et c'est pas désagréable à regarder. Tout simplement. Ouais. Et si on avait le droit d'en citer un troisième, je citerais les Box Trolls, mais on n'a pas le droit. Donc je ne le dirai Je pas. couperai au montage. Je ferai le montage. Ah, bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, parce que moi, tu vas te marrer avec celui-là. Enfin bref. Voilà, bah, je pense qu'on a fait Et le tu tour en cites tout cas. pas Albator Ah oui, ah, bah non, parce qu'il est sorti au mois de décembre. Ah oui, c'est ça. Et comme on l'avait pas vu, je savais pas. Ah, cette privée de joke que personne ne comprendra, C'est c'est parfait. magique. Et bien voilà, de toute façon, à chaque nouveau numéro, on vous parlera des sorties, des prochaines sorties dans le mois à venir, donc dans le mois qui viendra. Ouais. De toute Donc, façon, il y aura de quoi dire là pour les février, mars là, il y et a, avril, ouais. il y a de quoi faire Il encore. y a vraiment, alors on peut dire, il y a Le vent se lève, Minuscule, la vallée des fourmis, perdu. C'est ça, rien que pour le mois de janvier. Alors pour le mois de février, là, c'est l'embouteillage total entre ben, Tempête de boulettes géantes 2, La grande aventure Lego, Ouais. Tantilda, Jack et la mécanique du cœur, Tarzan. j'en passe des meilleurs. Même mars aussi est pas mal au niveau sortie. Il y a un trou après qui va se former sur au mois d'août, mais pour le reste. Ça annonce quand même l'année 2014 florissante en termes d'animation. Donc voilà, messieurs, je pense qu'on a vraiment fait le tour cette fois-ci sur toutes les sorties, sur 2013 que l'on referme tout tranquillement et 2014 que l'on ouvre avec grand plaisir. Et puis ben voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2014, évidemment, plein de bonnes choses, évidemment. Et puis on vous dit à la prochaine, à bientôt. Salut. Salut! Et pour ceux qui sont restés, évidemment, la séquence post-générique, le cours d'après. On va s'intéresser maintenant, cette fois-ci, à un petit court-métrage qui dure à peine 1 minute, même pas 1 minute, qui dure 58 secondes exactement, qui s'appelle One More Beer, et qui est réalisé alors, par Pedro Conti, qui n'est pas forcément connu évidemment, mais c'est un court-métrage très drôle qui met en scène un viking, un barbare, on va dire. Et que l'on pense qu'il va souhaiter absolument récupérer, boire une bonne bière, et finalement, il faut le voir, évidemment. Qu'est-ce que vous avez vu tous les deux? Qu'est-ce que vous en avez pensé graphiquement? Au niveau de l'idée, pas mal, justement. Oui, à la base, c'était une illustration qu'il avait faite, et puis il s'est dit qu'il allait faire un cours d'animation. Et bah c'est vachement inspiré de Dragon, le père du héros là, Exact. Stoïque, c'est ça. Oui. Il ressemble vachement, mais techniquement c'est quand même vraiment très très beau. L'animation est top, enfin franchement j'ai pas grand chose à dire techniquement, c'est vraiment chouette, et puis c'est une petite touche d'humour, ça marche très bien. Ça marchait très très bien comme, comme petit court-métrage. En fait, il avait terminé sa presse, bravo. Oui, il avait. De rien. oui, moi, bah, pareil. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la barbe. J'aime beaucoup la bière qui se renverse. C'est très réussi. Enfin, techniquement, c'est très très très propre. Et puis, c'est drôle. Exactement. C'est marrant parce que c'est certainement le commentaire, la première fois qu'on fera un commentaire qui sera plus long que le film. C'est vrai. Allez, on dit à tous à bientôt et puis à bientôt. Animation, tout simplement. Salut. Ciao. Salut.